Avec Audiolib, écoutez le prix Goncourt. Pour le commerce, la guerre présente beaucoup d'avantages, même après. Au revoir là-haut, de Pierre Lemaître, en librairie et sur audiolib.fr. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Les Français contre les Français, tel est le sujet d'un numéro spécial d'Historia, actuellement dans les kiosques. Franck Ferrand a lu ses dossiers consacrés à 1000 ans de division nationale. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Ce numéro spécial d'Historia, on préférerait évidemment qu'il n'ait pas de raison d'être. Hélas, il est vrai que de siècle en siècle, les Français, en dignes ou indignes héritiers des Gaulois, n'auront cessé de se diviser et de se faire la guerre entre eux. Avec Pierre Baron, tout à l'heure, nous évoquerons les déchirures religieuses, les conflits politiques, les périodes de grands divorces intimes. Pour le moment, pour commencer, j'aimerais vous parler d'un sujet éternellement d'actualité, celui du ras-le-bol fiscal, tel qu'il se manifestait déjà, notamment sous Louis XIV, vous allez voir. Et à la fin de l'émission, vous répondrez à la question d'Aurélien sur l'origine du blue jean. Eh oui, le blue jean, mais écoutez volontiers. Pour le moment, entre jacquerie, rebaine et fronde des sabotiers, c'est un vent de révolte qui va souffler. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Ainsi donc, parmi les grands sujets qui, au fil des siècles, ont vu les Français s'opposer entre eux, il y a évidemment la question fiscale, avec toutes les inégalités dont cette fiscalité peut être la source, évidemment, avec aussi le poids qu'elle a pu faire peser, et peut faire encore peser, sur la population. Il faut des impôts, apprenait-on autrefois aux apprentis économistes, à condition qu'ils ne paralysent pas l'esprit d'initiative et n'enlèvent pas aux gens le goût du travail. Question de seuil, donc, de juste mesure. Question sans doute moins subjective qu'il n'y paraît. Or, l'État, sous tous les régimes, a eu à insister et à se battre pour obtenir le consentement des populations à l'impôt. C'est fondamental pour un État souverain, ce consentement des populations. À partir du moment où les gens ne sont pas prêts à payer l'impôt, vous pouvez considérer qu'il n'y a plus véritablement d'État. Et d'ailleurs, les très grandes révoltes ou révolutions qui ont eu lieu à travers l'Europe, on pense évidemment à celles d'Angleterre qui sont emblématiques, mais pas seulement, ont presque toujours eu pour objet ce fameux consentement à l'impôt. Qui accepte l'impôt? Qui accepte de le payer? Qui le vote, en quelque sorte? Nul n'est dispensé de l'honorable obligation, j'aime bien l'expression, de l'honorable obligation de contribuer aux charges publiques, énonçait l'article 101 de la Constitution célèbre de 1793. Nul n'en est dispensé, certes, mais ça n'empêche pas les gens de râler. Et dans certains cas, lorsque la pression devient trop forte ou lorsqu'une certaine entente se fait entre ceux qui sont trop laminés, rien n'empêche évidemment la révolte de naître à toutes les époques, et notamment en France où le pouvoir central a été précoce et puissant. De tout temps, il y a eu ce mécontentement fiscal, plus ou moins aigu selon les périodes. On a toujours parlé de charges fiscales, de pression fiscale, d'inquisition fiscale, d'anesthésie fiscale pour un certain nombre d'impôts qu'on voit plus ou moins bien. Encore faut-il savoir de quel impôt on parle. Alors ce n'est pas notre objet ici, mais ce qui est certain, il faut peut-être le dire quand même, c'est que l'impôt sur le revenu, qui est l'impôt le plus visible, le plus décrié sans aucun doute, ne date que d'un siècle. C'est une invention que nous devons à Joseph Caillaux en 1914, et oui, la guerre n'y était pas pour rien du reste. Pour vous faire rêver un peu, après tout c'est aussi mon rôle, laissez-moi vous rappeler qu'à l'époque, le taux d'imposition de la tranche supérieure était fixé, attention, à 2%, et que seulement la plus petite frange, la frange la plus fortunée de la population, y était assujettie. 1,7% des foyers fiscaux seulement étaient imposables à l'impôt sur le revenu. Le nouveau numéro d'Historia, enfin ce numéro spécial, consacre un bel article signé Thierry Sarment au ras-le-bol fiscal, non pas actuel, mais à celui du grand siècle. Entre 1661 et 1789, écrit l'auteur, près de 40% des rébellions populaires sont des révoltes antifiscales. J'ajouterais que ça avait commencé bien avant 1661 et que lorsqu'on sait qu'à l'époque plus des trois quarts de la population sont d'origine rurale, sont même des ruraux, ces révoltes contre l'impôt sont avant tout des révoltes paysannes, bien entendu. Il y en aura tout au long des 16e, des 17e siècles de ces soulèvements populaires. En 1548, ce sont les Guitres, on les appelle aussi les Pitots, qui se mutinent du côté de Bordeaux, enfin dans tout le Bordelais. En 1595 a lieu la première révolte des Croquants dans le Limousin, il y en aura bien d'autres, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. En 1624, nouvelle révolte des Croquants dans le Quercy, cette fois, qui va reprendre en 1637. Et jusqu'au XVIIe siècle, il faut pas oublier que on a eu comme ça, jusqu'à la Révolution, jusqu'au XVIIIe siècle inclus, on a eu comme ça de ces révoltes qui naissent spontanément. Il faut vous dire par exemple qu'une partie de la Normandie, ce qu'on appelle aujourd'hui la Basse Normandie, était exemptée de la gabelle. Eh bien, en juillet 1639, la rumeur commence à se répandre que la gabelle, c'est l'impôt sur le sel. C'est l'impôt le plus impopulaire parce que c'est celui qui touche directement la consommation des braves gens, si je puis dire. Toute proportion gardée, on pourrait dire c'est la TVA de l'époque. Bon, eh bien cette gabelle, on se met à dire dans les années 1639 qu'elle va être rétablie dans les élections d'Avranches, de Valognes et de Coutances, enfin de toute cette région. Personne n'aura l'idée d'aller vérifier le bien fondé de la rumeur, parce qu'en l'occurrence c'est faux, mais peu importe, toute la population est du jour au lendemain dans la rue, et alors il se trouve qu'il y a un pauvre homme qui s'appelle Bernardière Poupinel qui va se retrouver au mauvais moment, au mauvais endroit. Il est littéralement lynché par la foule. La foule va s'acharner sur tous ceux qu'elle ne connaît pas, sur tous les étrangers à la région, qui sont suspects d'être des gabeleurs, hein, c'est-à-dire des gens, des percepteurs chargés de percevoir cet impôt de la gabelle. On les appelait aussi plus populairement les gabelous. Et il y en a pas mal qui vont comme ça être laissés pour mort sur le carreau, dans le ruisseau. Il y en a un qui est dépouillé de 3000 livres que contenait sa sacoche. On est là à Avranches. Et aussitôt, ça fait tache d'huile. C'est-à-dire que bientôt, non seulement la ville, mais les faubourgs d'Avranches vont être en véritable insurrection. La révolte s'étend à toute la Normandie, et puis bien entendu assez vite de la basse Normandie elle va passer à la haute, hein. Rouen est sujette et la proie d'agitation phénoménale. Les nu-pieds, comme on les appelle, sont aux portes de la ville. Les Rouennais, que vont-ils faire? Tous les bourgeois de l'intérieur de Rouen, on pourrait croire qu'ils vont essayer de se défendre contre cette révolte paysanne. Pas du tout, ils vont fraterniser avec les nu-pieds, et c'est une véritable armée qui va naître de cette fraternisation. Les émeutiers sont chaque jour plus nombreux. Ils veulent abattre celui qui est considéré comme la tête de l'oppression, hein, c'est-à-dire il s'appelle le Tellier de Tourneville. Il est receveur général des gabelles. Alors le Tellier de Tourneville s'est réfugié dans sa maison, qui est déjà une maison forte. Il fait répondre par des coups de feu aux jets de pierre qu'on lui a adressés. D'ailleurs, ces coups de feu vont faire une victime, un enfant, et c'est le cas de dire, ça va mettre le feu aux poudres. Un forgeron défonce la porte du logis de l'hôtelier de Tourneville. La foule s'engouffre dans la maison. Elle y met le feu, sauf que l'hôtelier déguisé a le temps de s'échapper par une porte arrière. Il ne sera pas, lui, victime de cette terrible révolte. Il n'empêche, la répression qui dès lors va s'abattre sur la ville va être une répression terrible. sur Europe 1, un extrait du concerto pour violon Les Quatre Saisons. C'était l'été, interprété par le violoniste Nigel Kennedy. Revenons avec vous, Franck Ferrand, au ras-le-bol fiscal. Alors, j'ai sous les yeux un article qui avait été publié il y a une quarantaine d'années par Gérard Boutet, conteur de Sologne, et qui parlait d'une jacquerie méconnue, la fronde des sabotiers qui a eu lieu en 1654. Alors, on sait ce que c'est que la fronde. On devrait d'ailleurs, si on était tout à fait précis, parler des frondes, puisqu'il y a la fronde parlementaire et la fronde des grands, hein, celle des princes, si vous voulez. Bon, et il se trouve que cette fronde, cette espèce de guerre civile qui va opposer un certain nombre de parties prenantes au pouvoir de l'époque, les élites, disons-le, va faire comme première victime une population, des populations qui souffrent évidemment pendant ce temps-là, qui sont dans un état de misère de plus en plus alarmant. Et c'est cette misère qui va mettre justement le feu aux poudres et faire éclater des révoltes par tout le pays des Sologne, nous dit Gérard Boutet. On est là en 1654. Un nommé Crochet, qui est couvreur, va tendre des embuscades au collecteur d'impôts. Vous voyez, c'est toujours le collecteur d'impôts, c'est toujours le percepteur, c'est toujours cette manifestation d'un pouvoir central à travers la pression fiscale qui se trouve être la première cible des révoltes et des émeutes et de toutes ces frondes, en l'occurrence de ce qu'on va appeler là la fronde des sabotiers. Je cite Gérard Boutet, le 10e jour d'avril de l'an 1655, écrit-il, Saint Macaire, le cardinal, imposa ses fameux liards sur l'Orléanais. Le cardinal, en l'occurrence, c'est le cardinal de Mazarin, bien entendu. Qu'est-ce que c'est que les liards? C'est une monnaie de cuivre qui va remplacer les deniers tournois, et ça plaît pas du tout aux gens, parce que, en l'occurrence, le pouvoir central en profite pour créer un taux forcé de cette piécette qui est une sorte d'impôt déguisé. C'est-à-dire qu'en faisant une forme de dévaluation forcée, d'un seul coup, c'est comme si on taxait tous les gens qui avaient de l'argent sur eux, bien entendu. Cet impôt déguisé va mettre le feu aux poudres. Ce sont dès lors des révoltes, des émeutes qui vont se lever partout, notamment essentiellement dans l'Orléanais. Nos Orléanais se révoltèrent ouvertement, écrit Gérard Boutet, rouge de colère. Ils pillèrent les gabarres à sel. Donc, les gabarres, ce sont des espèces de péniches dans lesquelles on transporte précisément un certain nombre de matières de denrées précieuses comme le sel, et se rièrent autant des arrêts menaçants de la prévôté que des sermons blasphématoires de l'évêché. Les croquants se rebellaient contre les hautes autorités. Voilà ce que Guy Patin, le fameux Guy Patin, le 29 mai 1658, vous savez, ce médecin dont la verve nous offre un véritable aperçu sur la vie quotidienne au XVIIe siècle. Voilà ce qu'il reçoit. Il reçoit un billet d'Orléans qui compte ceci. Alors c'est écrit dans la langue de l'époque. Les paysans de Soulogne sont si fort attroupés qu'ils forment aujourd'hui une armée de 7000 hommes. Une fois en marche, cette armée s'augmente comme la renommée dont parle le poète latin. Elle reçoit dans ses rangs tous les mécontents des paroisses qu'elle traverse. Et c'est ça, finalement, qu'il y a de plus étonnant dans toutes ces révoltes contre l'impôt ou contre des impôts qui parfois sont, vous l'avez compris, déguisés ou détournés. Il y a cet effet de percolation, comme disent les spécialistes, c'est-à-dire que peu à peu, de bouche à oreille, de maison à maison, de village en village, se créent de véritables mouvements de foule qui deviennent très vite incontrôlables et qui sont d'une grande violence, dont certains d'ailleurs, disons-le, tournent mal et deviennent plus ou moins des bandits. Regardez-les, nous dit notre conteur, armés jusque aux chicots, avec leurs faux rouillés, emmanchés à revers, avec leurs javeloirs émoussés, avec leurs broches dérobées chez quelques châtelains d'importance. Regardez ceux qui sortent des bois, ils ont empoigné haches et serpes. Ce n'est plus les ramures qu'il convient de tailler à cette heure par la malpeste, mais plutôt la viande des mercenaires espagnols. Regardez ceux qui arrivent des landes à friche. Ils cachent sous leur peau de bouc leurs ciseaux à tondre les moutons. Ce n'est plus la laine qu'il faut rativoiser, mais plutôt les fanfreluches des dragons. Tenez-vous sur vos gardes, ajoute-t-il, régiments de toutes sortes, les sabotiers, parce que c'est le nom qu'on va leur donner, étant donné qu'au départ, donc c'est un groupe, une corporation de sabotiers qui va lever l'émeute. Les sabotiers sont pires que les loups. car à force de vivre dans cette contrée infestée de bêtes féroces, ils ont pris la couleur sale de l'animal, son poil miteux et crotté, sa maigreur et ses crocs aigus. Alors c'est vrai que c'est un paradoxe. Peu à peu, un certain nombre de ces révoltes vont finir par alerter, par effrayer les populations, notamment les populations urbaines. Et bien entendu, à partir de là, le pouvoir a beau jeu, le pouvoir central, d'envoyer des régiments pour mater toutes ces révoltes. Or donc, la révolte battait son plein par les campagnes de l'Orléanais, nous dit Gérard Boutet. Bien-Né et Clocus s'organisèrent. C'est les surnoms qu'on donne à un certain nombre de leurs groupes. L'insurrection franchit la Loire et elle enflamma la Beauce, le Perche, la Normandie. Les gueux approchaient de Chartres. Partout où ils passaient se tenaient des assemblées. Les métayers et les chartiers y accouraient, abandonnaient ou écharus, s'enrôlaient ou apportaient des victuailles. Le 23 juin 1658, un décret du Grand Conseil interdit ces réunions inquiétantes qui se transformaient trop souvent en fêtes populaires. Cette marée impétueuse qu'aucun bataillon royal ne parvenait à endiguer buta pourtant contre les forteresses de Sully et sur le fleuve. Au sommet de l'État, on se compose quelques questions, et notamment l'oncle du jeune roi Gaston d'Orléans, qui était le frère indiscipliné du reste de Louis XIII. Gaston d'Orléans propose de jouer les médiateurs parce qu'il connaît un certain nombre des meneurs de la révolte. Il se dit que peut-être sa présence pourrait aider les choses. L'intègre Gabriel de Jaucourt répéta les exigences fondamentales de ses sabotiers, nous dit Gérard Boutet. Gabriel de Jaucourt, c'est celui qui avait finalement pris la tête de l'émeute et du mouvement. Il répéta donc les exigences qui étaient qu'on leur rabatte quelque chose de la taille. C'est l'impôt principal, celui qui pèse sur tout le monde à l'époque, et que les liards, enfin sur tout le monde, sur le peuple en l'occurrence, et que les liards aient un cours libre. Le cardinal, donc ça c'est Mazarin, refusa sèchement. Pactiser avec ces guenilleux était hors de propos. Le 3 juin, il avait abandonné aux baillis d'Orléans, de Bourges, de Gien et d'Issoudun d'arracher par tous les moyens et pressions la reddition sans condition. Certains des troubles vont s'apaiser, pas tous. Pendant l'été de 1658, la Sologne reste complètement à feu et à sang. Aux nuits descendues, nous dit notre conteur, les milices bourgeoises tendaient les chaînes en travers des portes et les créneaux se hérissaient de piques à tel point que les pies n'y pouvaient même plus jucher. Finalement, le 5 novembre 1658, Colbert va décider d'en finir une fois pour toutes avec ces penailleux des Sologne, avec ces fameux sabotiers. Il désigna le sinistre Forcia comme intendant, nous dit Boutet, avec ordre de saigner à blanc ces régions insoumises. L'ogre ne se le fit pas répéter par deux fois. Il déchaîna ses dragons par landes et bois. On foula, on pendit, on éventra, on brûla, on commit mille autres atrocités dont je ne veux point rendre compte. Ce fut le coup de grâce. Les Sologne ne devaient jamais s'en relever. Et nous vous rappelons, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Nous envoyez vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant, sur Europe 1, la suite de votre récit Franck Ferrand sur les révoltes face au ras-le-bol fiscal. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, aux révoltes dues au ras-le-bol fiscal. Et oui, et Dominique Clerc nous dit que sous Louis XIV, une flambée de fureur va secouer toute la Cornouaille, toute la Bretagne. D'un seul coup, tous les paysans rendent les nobles responsables de l'écrasement fiscal. C'est le phénomène inverse de la chouannerie qui se produira au siècle suivant, dit-il. Plusieurs gentilshommes sont tués. La colère des paysans n'en est pas calmée pour autant. Comme dans les autres provinces, ils organisent la sédition, ils se font appeler les bonnets rouges, tiens, et rejettent toute idée de caste privilégiée, plus d'aristocrates, plus de manants. Leur chef, le Balpe, va même plus loin dans la rébellion. Il envisage très sérieusement de séparer la Bretagne de la France. Décidément, comme je disais, tiens. En fait, ces révoltes, elles vont durer non seulement au XVIIe, mais pendant tout le XVIIIe siècle. On trouve des soulèvements contre l'impôt jusqu'en 1770 à Reims, en 1775 à Dijon, à Versailles, à Saint-Germain, à Paris, en 1782 à Poitiers, en 1785 à Aix-en-Provence, et même jusque sous la Révolution, puisque rappelez-vous, évidemment, l'insurrection communale de Paris en 1794, par exemple. Ce qui est intéressant, et ça c'est ce que nous apprend Thierry Sarment dans ce numéro hors série d'Historia, souvent écrit-il, la contestation de la fiscalité rejoint celle du centralisme parisien. En fait, on se révolte non seulement contre l'impôt, mais aussi contre ce qu'on estime être un abus, un excès de pouvoir de la part de la capitale parisienne. Normand, Breton et Gaston, écrit-il, expriment leur nostalgie pour un âge d'or largement mythique où les libertés et privilèges de la province étaient respectés et où les assemblées représentatives des États se réunissaient régulièrement, où le roi de France, personnage lointain, n'intervenait que modérément dans la vie de ses sujets. Dans les manifestes des rebelles, rédigés par des notaires de village, des curés ou de petits hobereaux, on invoque le souvenir de Louis XII, le père du peuple, qui aurait vécu des revenus de ses domaines sans recourir à l'impôt. Les insurgés se bercent de l'idée que le monarque nécessairement bienveillant ignorerait les difficultés de ses sujets, qu'il est trompé par ses mauvais ministres. Jamais ils ne remettent en cause la légitimité du pouvoir royal. C'est vrai qu'il y a une sorte de... on épargne en quelque sorte dans toutes ces révoltes fiscales, on épargne plus ou moins la personne du roi. On considère toujours que c'est en dessous, et notamment avec le système de la ferme générale, ce sont les fermiers généraux, c'est-à-dire les percepteurs patentés qui sont les plus visés. L'élément déclencheur d'une émeute, écrit par ailleurs Thierry Sarment, est souvent un incident opposant les employés des fermes, donc de ces fermes générales, à des fraudeurs ou des contrebandiers, au terme duquel la population prend le parti des seconds. À la ville comme à la campagne, certaines professions sont plus enclines que d'autres à la révolte, forestiers, vignerons, carriers, bouchers, métiers où prévaut une tradition d'indépendance et où les instruments utilisés peuvent au besoin se transformer en armes. Mais oui, évidemment. Les forestiers ou les bouchers sont armés, n'est-ce pas ? L'hostilité envers le fisc ne se limite pas au bas peuple, ça il faut le souligner, c'est bien que Thierry Sarment le mette en évidence. Des cabaretiers, des aubergistes, mais aussi des curés et même des gentilshommes peuvent se faire tantôt bout de feu de la rébellion, tantôt protecteurs des insurgés. Vous voyez que cette révolte fiscale, c'est vrai qu'elle se manifeste d'abord dans les campagnes et c'est vrai qu'elle remue d'abord la masse de paysans souvent pauvres ou affaiblis par des guerres ou par des périodes de disette, mais elles ne les concernent pas eux seuls, elles concernent l'ensemble d'une population qui très souvent rue dans les brancards ou remue sous le joug fiscal. Bonjour Pierre Baron. Bonjour. Alors vous avez consacré un numéro spécial, c'est un numéro hors série d'Historia, à toutes les divisions entre Français, hein, à ces 1000 ans de division nationale. Évidemment, dans l'entre-deux-tours de l'élection municipale, j'ai envie de dire que c'était une émission tout indiquée, parce que ça bouge beaucoup, il y a pas mal de divisions en ce moment encore. C'est très français, c'est intrinsèque. J'aimerais que, ensemble, si vous le voulez bien, dans un premier temps, nous revenions justement sur ce grand ras-le-bol fiscal qui s'est exprimé sous Louis XIV, mais qui n'a, on peut le dire, quasi jamais cessé depuis. De l'Ave Maria de Caccini interprété par la soprano Inessa Galante. Vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, dans Cœur de l'Histoire, de 1000 ans de lutte intestine en France, avec votre invité Pierre Baron, directeur de la rédaction du magazine Historia. Alors ça intéresse nos auditeurs évidemment, cette question. Cyril notamment, qui habite dans les Landes, me demande s'il y a dans les Landes des exemples de ces rebelles, de ces grandes révoltes fiscales. Oui, je l'ai évoqué très rapidement, il est vrai, tout à l'heure, je vous ai parlé de cette révolte des Pitots, hein, qui a eu lieu au milieu du XVIe siècle. Par exemple, il y en aurait d'autres à citer. citer d'ailleurs, parce que on ne pourrait quasiment même pas faire la liste de tout ce qui peut exister. On a l'impression que pendant 2 siècles, le pouvoir royal n'aura, même presque 3 siècles, le pouvoir royal n'aura eu de cesse de mater des révoltes contre la fiscalité. À partir du moment d'ailleurs où l'impôt devient unique, centralisé, et qu'il est confié à des intermédiaires, ça c'est particulièrement mal perçu par la population, parce que déjà se voir dépouillé, j'allais dire, pour payer l'impôt, ça n'est pas agréable. Mais alors quand en plus vous savez que vous donnez cet impôt à un intermédiaire qui lui-même s'en met dans la poche une partie non négligeable, évidemment on peut comprendre que ça ait un peu énervé nos ancêtres. Le cas le plus célèbre, je l'ai là aussi évoqué un peu rapidement, c'est la fameuse révolte du papier timbré, hein, ce qu'on appelle la révolte des bonnets rouges, à laquelle vous consacrez un encadré, Pierre Barondan. Oui, on a eu quelques précédents en Bretagne il y a quelques mois, donc vous ne pouvez pas les rater. Non pas les Bretons, mais les bonnets rouges. Les bonnets rouges. Qu'est-ce qui se passe au printemps 1675? On a eu une guerre contre la Hollande qui s'éternise, qui devient beaucoup plus longue que prévu. Louis XIV prévoyait absolument pas que ce conflit dure. Il faut donc, ça coûte beaucoup d'argent une guerre, et il faut donc alimenter les caisses militaires. Et pour ça, on va créer toute une série d'impôts sur les pots en étain, le tabac, les actes judiciaires, les actes administratifs. Là, pas d'intermédiaire, la franque, hein, c'est du direct, si vous me permettez. Ça veut dire donc que ce papier à timbre, et le timbre c'est l'impôt, il est obligatoire. Et donc tout l'ouest du royaume va s'enflammer très rapidement au printemps. Toute ressemblance, etc., etc., avec des faits s'étant produit il y a quelques mois, je pense notamment au portique, fait que, comme là aussi, le pouvoir réagit assez mollement, assez faiblement. Et évidemment, ça ne fait que croître et empirer. C'est-à-dire que pendant les mois de juillet et août, Madame de Sévigné le raconte notamment, les arbres en Bretagne, ils ploient, mais là, s'ils ne ploient pas sous le poids des fruits, ils ploient sous les branches, sous le poids des pendus, tellement la répression est énorme. Vous pouvez compter qu'il n'y a plus de Bretagne, écrit-elle à sa fille. Je prends part, dit-elle, à la tristesse et à la désolation de toute cette province. Et comme le dit très justement l'auteur Thierry Sarment, il y a toujours une grande duplicité de la noblesse dans ce genre de situation. C'est-à-dire que quand on remet en cause les droits seigneuriaux, les taxes féodales, la noblesse est ravie de voir le pouvoir central s'abattre de façon implacable contre les gueux, les sabotiers et autres vils paysans. Mais alors, comme elle est prompte à pleurer et à compatir une fois que les carnages ont eu lieu pour rétablir précisément les droits dont elle bénéficie depuis des siècles. Ouais. C'est un double langage habituel. Oui, finalement, c'est à qui profite non pas le crime, mais l'impôt. Mais l'impôt, bien sûr. Question. D'une façon générale, toutes ces révoltes fiscales qui ont semé plus que le trouble dans la France et qui ont dressé beaucoup pendant longtemps des Français contre les autres, elles font partie de ces révoltes contre l'État. Hein. On a d'autres exemples, bien entendu. On en a un exemple que vous évoquez là dans les pages. C'était mai 68, bien entendu, sur un autre registre. Et puis alors, il y a toute la question des libertés contre l'État, en quelque sorte, et notamment de la liberté de la presse. Ça, c'est assez passionnant. Bien sûr. Tout ce qui remet en cause le pouvoir central crée une division automatique chez les Français, mais alors avec une gourmandise séculaire invraisemblable. Je connais peu de peuples en Europe qui ont cette histoire-là, c'est-à-dire ce génie de la division. L'Allemagne a une tradition fédérale. Et nous, on a l'impression qu'on n'a pas seulement 300 fromages. On a l'impression qu'on a 300 religions, qu'on a 300 000 potentats locaux, puis départementaux, puis régionaux. On a l'impression que dans notre culture, et ce pratiquement depuis le début, depuis Vercingétorix, lui-même extrêmement divisé parmi les peuplades gauloises. En tout cas, ses chefs l'étaient, ça lui a coûté la défaite. C'est un génie gaulois, un mauvais génie, qui fait que chaque fois qu'on remet l'État en cause, les Français n'ont même pas besoin que l'État souvent intervienne. Ils sont déjà suffisamment divisés pour échouer dans leur propre révolte. D'ailleurs, Franck, vous le disiez très justement, pendant 2 siècles, il y a eu des répressions terribles au niveau du fisc. Mais jamais, au grand jamais, ces révoltes n'ont renversé le pouvoir. C'était une réaction épidermique, une réaction de souffrance. Mais ce n'est pas une politique. Ce sont des émeutes. Parce que, pourquoi ? À chaque fois, le pouvoir central, il a exactement fait ce que vous avez dit. Il a joué de Paris contre la province. Il a joué des provinces contre d'autres provinces. Et il a joué, bien sûr, les classes sociales entre elles. La noblesse contre la bourgeoisie, comme il se doit. Donc, quand on disait « Ah, mais c'est pas la faute du roi, le roi est un brave, c'est le père de la nation », c'est forcément les ministres. Mais les ministres ont très habilement retourné le compliment pour oppresser la province et mater toutes les révoltes pendant des siècles. Oui. Il y a dans cet État français particulièrement centralisateur une volonté de tout contrôler. Ça avait été le cas de la presse depuis sa création, puisque lorsque Théophraste Renaudot crée sa gazette, il est dans un cadre purement national et il travaille directement, son cabinet est à côté de celui du cardinal de Richelieu, il faut quand même le dire. Ce sera le cas, ça, jusque très tard. On sait que si la Restauration, qui bon an mal an, c'était un installée en France depuis 1814-1815, si elle chute en 1830, alors qu'on vient de gagner, entre parenthèses, Alger, qu'on est en pleine expansion, le roi Charles X est euphorique à ce moment-là, c'est à cause des fameuses lois jugées liberticides, celles de 1830. Une erreur politique colossale, comme vous venez de le dire. Puisqu'encore une fois, on parle d'un autre temps, hein. On parle d'un temps où la presse était vraiment puissante. Ah oui, là, oui. Pas forcément d'un temps où elle s'intéressait aux questions secondaires. Encore une fois, c'est d'une maladresse insigne. Vouloir limiter la liberté de journaux qui étaient lus, il faut imaginer ce que ça pouvait être dans Paris, à X éditions. Mais c'était pas, pratiquement pas une émeute, mais des attroupements populaires pour s'arracher les journaux. Vouloir, de près ou de loin, alors que personne ne lui demandait rien, supprimer un tant soit peu cette liberté d'expression, était en pleine période de prospérité intérieure et extérieure, relève d'une bêtise incommensurable sur le plan politique. Ce qui, comme vous le savez, coûtera 3 journées révolutionnaires sanglantes. Et pour la presse, quelques siècles, disons au moins un siècle et demi de tranquillité. Oui, c'est ça, de bonnes décennies de tranquillité. Voilà. Ça, c'est la révolte du peuple contre l'État. Mais les véritables déchirures, les véritables divorces intestins, si je puis dire, ils s'expriment dans 2 autres domaines qui font 2 pleins dossiers de votre numéro spécial. C'est d'abord les questions religieuses, ce que vous appelez les déchirures de la foi, et puis d'autre part les conflits politiques et idéologiques sur lesquels on viendra tout à l'heure. Mais les déchirures religieuses sont fondamentales, hein. Rappelons tous les grands combats, vous ne les rappelez pas tous évidemment, mais il y en aurait tellement à citer. Les guerres de religion à proprement parler, plus à la question janséniste par la suite, le cas des jésuites dont on va parler nous la semaine prochaine, bien sûr l'affaire Cathare aussi quand on remonte au Moyen-Âge. Et il y a toujours, à travers même les déchirures religieuses, il y a toujours cette division du pouvoir central, on la retrouve, toujours. Les Cathares sont des gens qui pensent qu'il faut un certain cosmopolitisme. Il faut brasser. Les Cathares vivent avec les Juifs, vivent avec les musulmans en toute paix. Et exigent, d'ailleurs ce qu'exige le pape François en ce moment de l'Église, c'est-à-dire une certaine frugalité. Non pas la misère, mais une certaine frugalité. Mais tout ça est adressé en fait via Rome aux évêques, donc au pouvoir central religieux. Si on regarde bien nos guerres de religion, huguenots, comme on disait avant, protestants contre catholiques, dont on trouve la trace, Franck, vous le savez bien, sur les 2/3 du territoire de ce pays. C'est aussi une révolte contre le pouvoir central. Cette reprise théologique des protestants de dire « Vous êtes à même de lire la Bible seul, de l'interpréter seul, et de faire vous-même en conscience votre travail de chrétien » est d'abord et avant tout un refus hiérarchique. Là aussi, qui se double, on revient au fiscal d'un certain nombre de refus de payer l'impôt à l'Église catholique. Rebelle, hein, quand même, rétif, ce peuple français. Alors, comme en écho au débat chez Wendy Bouchard, nous allons venir aux disputes, aux divorces, aux divisions idéologiques, politiques, qui sont les plus importantes, celles qui ont marqué toute l'histoire de France. C'est Éric Pincas, le rédacteur en chef adjoint, qui s'est consacré à ce numéro, qui, dans son avant-propos, cite, et ça m'a fait très plaisir parce qu'on ne parle quasiment plus jamais de Pierre Daninos, c'est bien dommage, merveilleux humoriste qui avait écrit notamment les carnets du major Thompson. Et il fait dire au major Thompson, qui est un Britannique qui regarde vivre les Français, donc on est dans les années 50, il lui fait dire « La France est le seul pays au monde où si vous ajoutez 10 citoyens à 10 autres, vous ne faites pas une addition, mais 20 divisions. » Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de 1000 ans de lutte intestine en France avec votre invité Pierre Baron, directeur de la rédaction du magazine Historia. Alors oui, c'est, en l'occurrence, Pierre nous parle aujourd'hui non pas du numéro qui est actuellement en kiosque, on va en dire un mot d'ailleurs si vous voulez bien, mais de ce numéro spécial d'Historia intitulé « Les Français contre les Français, 1000 ans de division nationale », avec effectivement toutes ces luttes intestines. Alors on a parlé des luttes religieuses et des luttes contre le pouvoir central et des luttes fiscales. Ce qu'il faut aborder maintenant, ce sont les grandes questions idéologiques. Alors, je ne vais pas revenir sur la Fronde, puisque j'en ai dit déjà quelques mots tout à l'heure. Mais il y a trois grandes périodes de l'histoire de France qui ont vu les Français s'écharper littéralement. C'est évidemment la Révolution française. Et d'ailleurs, en mode mineur, on a vu en 1989 un bicentenaire raviver un certain nombre des vieilles tensions. C'est bien sûr l'affaire Dreyfus sur laquelle on va s'attarder un peu si vous le voulez bien. Et puis la question de l'occupation qui aujourd'hui encore reste constamment quasiment à la une de l'actualité, hein, 70 ans plus tard. C'est assez extraordinaire. Alors d'abord, la Révolution en général et surtout la Terreur. Est-ce que la Révolution est un bloc, comme disait Clémenceau, et est-ce que les Français ont le droit de se diviser sur ce socle fondateur de ce qui est leur régime actuel, Pierre Baron ? Non, je pense pas. Je pense que Michelet pouvait le penser, mais on peut plus penser que la Révolution est un bloc. D'une certaine manière, la Révolution, on pourrait dire que c'est comme une série de secousses sismiques successives, avec des régimes qui tombent et une radicalisation qui monte, jusqu'à la confiscation du pouvoir par Bonaparte. Ce qui va arriver de plus en plus vite, et on va retrouver ce qu'on a dit précédemment, c'est encore une lutte du pouvoir central par rapport aux provinces. C'est-à-dire entre le centralisme jacobin et une certaine provincialisation des Girondins, il y a encore de nouveau la même colonne vertébrale c'est fou, hein, que l'on retrouve depuis des siècles avec les rois qui se repose en termes de révolution. Et puis au sein même de cette radicalité qui monte, il y a un certain Robespierre qui n'est pas responsable à lui seul de la Terreur. Mais qui en est l'incarnation. Mais qui en est le symbole et l'incarnation dans une nation, il faut jamais l'oublier, en danger de mort à l'extérieur, puisqu'elle lutte contre des envahisseurs, en danger de mort intérieur, parce que là encore, Vendée, avec les Chouans et la Vendée, il y a un risque de soulèvement considérable. Ce qui ne justifie en rien les exactions et les massacres commis au nom de la République, mais ce qui explique cet emballement frénétique de la guillotine pendant ces années de terreur où les jugements, on n'a rien inventé, sont devenus sommaires quand ils existaient, c'est-à-dire des charrettes entières ont passé de 10 à 15 ou 20 séquences de charrettes dans Paris. Donc toutes les deux heures, on voyait défiler des gens qui avaient à peine été jugés, dénoncés hâtivement par le voisin ou par qui que ce soit. La radicalité, elle vient probablement aussi du fait que dans les périodes extrêmes, Franck, on le voit hors de notre histoire de France aussi, hein. C'est souvent ceux qui travaillent le plus qui tiennent le pouvoir. Robespierre était probablement le membre du comité de salut public qui travaillait comme une brute pour dire jour les choses. Nuit. Jour et nuit. Danton avait un talent considérable. Mais il et Danton moins, pouvait oui. retourner l'Assemblée nationale, mais pratiquement tous les jours s'il le souhaitait, à son avantage. Mais c'était un dilettante. Et magnifique orateur, mais relativement paresseux, très très oisif. Robespierre est un travailleur. Ce qui est intéressant, c'est que à travers cet exemple de la Révolution française, ce sont bien les points les plus fondamentaux, les éléments les plus essentiels de l'opposition de certains Français contre certains autres qui se manifestent. Hein. Si je puis dire, les luttes droite-gauche, pour simplifier à l'extrême, elles ne naissent pas, mais elles s'expriment particulièrement là, et on pourrait presque dire que deux siècles plus tard, on n'en est pas sorti, qu'on est toujours grosso modo sur ces grandes lignes de fracture, en fait. Hein. Oui, et ce d'autant que la plupart des acteurs de la Révolution... Ça, c'est une idée reçue, mais la plupart des acteurs de la Révolution ne souhaitaient pas la mort de Louis XVI, ne souhaitaient pas la République immédiatement, que ça a mis un certain temps, avec beaucoup d'hésitation, y compris... Et sous l'effet des événements, mais exactement, sous l'empire des événements, comme on disait. Souvent, on a suivi les faits, on les a pas précédés. Donc, ce que vous disiez de ce divorce-là est peut-être né aussi d'une autre façon de voir l'État. C'est-à-dire que pendant 8 siècles, on a demandé à la royauté... parce que c'était son statut, elle était de droit divin, Donc on demande, n'oubliez jamais qu'on demandait au roi, on le prêtait des pouvoirs de guérisseur, de thaumaturge, etc. Il guérissait les écrouelles. La République a cassé cette image, bien ou mal. Mais évidemment qu'on pouvait plus croire en ça. Mais ce qu'on a demandé à la République, insensiblement mais irrémédiablement, a changé. On lui a plus demandé la filiation divine. On lui a pas demandé autre chose que un projet fédérateur et, ce qui relève des fonctions régaliennes, une protection des citoyens. 100 ans après la Terreur, explose une affaire absolument passionnante qui est alors là vraiment aux origines de notre vie politique même actuelle. C'est la célèbre affaire Dreyfus qui de nouveau va voir... C'est assez étrange de voir à quel point c'est bien partagé, c'est moitié-moitié. On voit la moitié de la France se dresser contre l'autre, Dreyfusard contre anti-Dreyfusard, partisan de l'ordre contre partisan d'une certaine justice, si l'on voulait résumer. Oui, c'est un peu ça. Et autour d'une affaire qui, en fait, n'aurait jamais dû dépasser le cadre. Au départ, c'est une sordide affaire. C'est une machination, pardonnez-moi l'expression, des plus glauques. Presque du droit qui commun. Qui n'aurait jamais mérité que des repas de famille dégénèrent dans toute la France pendant autant d'années. Avec, là aussi, vous parliez de gauche-droite. C'est très intéressant. Parce que ceux à qui on pourrait penser comme étant des défenseurs de la première heure de Dreyfus ne sont pas du tout ceux auxquels on pense. Jaurès, par exemple, considère que c'est une affaire bourgeoise. Bon, moi qui le dis, c'est lui. Il l'écrit. Il ne voit pas très bien ce que nous avons à faire avec tout ça. Bien sûr, il va y venir. Nous, bien c'est-à-dire sûr. Le mouvement ouvrier qu'il entend diriger. Il y a la gauche vraiment ancrée historique du pays. Bien sûr, il viendra à la défense de Dreyfus. Mais ce n'est pas un réflexe premier. Parce que derrière cela aussi, il y a de l'antimilitarisme. Encore, si vous me permettez, un affluent de la division française. Pro-militaire, anti-militaire, qui a quand même abondamment nourri l'affaire Dreyfus, indépendamment de l'honnêteté ou de la malhonnêteté du capitaine Dreyfus. Le percepteur, le curé, le militaire, on pourrait ajouter bientôt l'instituteur, voilà un certain nombre de figures qui vont paradoxalement diviser les Français, là où dans bien d'autres pays, elles ont plutôt tendance à unir les gens. C'est étrange, hein, cette espèce de dichotomie naturelle qui s'établit avec, sous l'affaire Dreyfus, la naissance des grandes catégories que nous connaissons, à commencer par ceux qu'on va appeler les intellectuels. En fait, oui, hein. Bien sûr. Et la naissance, bon, Clémenceau, puis Zola, bien sûr. Et la naissance de gens qui vont prendre des positions publiques dans un débat public. Mais si vous regardez bien, l'instituteur, le curé, c'est des figures de l'autorité. Et si vous regardez bien, c'est des figures de l'autorité locale. L'instituteur et le curé n'ont pas une portée nationale. Que fait la Troisième République ? Elle fédère la nation autour, non pas du curé, mais de l'instituteur et du maire. Le pouvoir laïque s'enracine dans la connaissance, et dans la connaissance, l'alphabétisation galopante, mais du pouvoir local. On revient donc aux origines, après avoir eu une révolution très centralisatrice, on revient au pouvoir local. Alors il y a une autre période de très grande division, mais qui ne va pas se partager selon